Now, let me tell you, during this 10 days retreat, it is a Abhidhamma retreat. Therefore, first we are going to study Abhidhamma in the morning. Afternoon time, Anapanasati Sutta, Sutta study, Abhidhamma and Sutta going to run together in this retreat. Abhidhamma means theory. Sutta means pratique, pratique, way of technique. Theory, Lord Buddha explain the theory, okay? To get peace, happiness, and nirvana. Sutta, how should get peace and happiness through meditation? Explain the technique completely. Okay, ma'am, please. Au cours de ces 10 jours de retraite, nous allons étudier la théorie le matin. Nous aurons un cours sur l'Abhidhamma. Et l'après-midi, nous allons voir comment mettre cette théorie en application. Le matin, nous étudierons donc un chapitre de l'Abhidhamma. Et puis, l'après-midi, nous étudierons le Anapanasati Sutta, le Sutta sur la respiration. C'est l'aspect pratique. Pendant cette retraite, nous allons allier théorie et pratique, et tout ceci dans le but de réaliser la paix et à terme Nibbana. Au cours de cette retraite, nous allons apprendre énormément de choses et vous devez bien comprendre que tout ceci, c'est simplement dans le but de vous faire progresser rapidement. Ne vous dites donc pas que c'est trop, qu'il y a trop d'enseignements, que ça perturbe votre concentration. Essayez de ne pas le voir ainsi, voyez-le simplement comme une occasion qui vous est offerte d'accumuler certaines connaissances qui vont vous aider à bien pratiquer. Mais ne vous focalisez pas exagérément sur l'aspect connaissance. Écoutez simplement ce qui est dit et essayez d'appliquer cela dans votre méditation. L'époque actuelle est très particulière à cause de cette pandémie du Covid. Donc, on pourrait presque considérer que ce Covid est une troisième guerre mondiale. C'est une guerre silencieuse. Comment allons-nous faire pour faire face à ce cataclysme? Comment allons-nous faire pour surmonter cette crise et tout simplement pour survivre? Il n'y a pas que le Covid, il y a également tous les problèmes qui sont liés à l'époque actuelle. Vous savez tous qu'en ce moment, au XXIe siècle, il y a énormément de problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes nationaux. Les problèmes sont partout, sont omniprésents. De nouveau, on pourrait se poser la question, comment va-t-on faire pour faire face à tout cela? Comment va-t-on faire pour surmonter tous ces problèmes, pour vivre paisiblement? La réponse est simple, c'est par la méditation que nous allons y arriver. Ici en Occident, on dit souvent que la méditation, c'est un art de vivre. Nous allons donc apprendre un art de vivre, une façon de vivre qui va nous permettre de gérer correctement tous ces problèmes et de les solutionner. Nous pourrons alors expérimenter le bonheur et tout ceci ne pourra se faire que si nous pratiquons. Maintenant, je vais vous parler de la méditation en marche. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais vous devez savoir comment la pratiquer. Nous allons pratiquer la marche attentive parallèlement à la méditation en posture assise. La marche attentive est une des 4 postures dans lesquelles on peut pratiquer la méditation. La posture assise et la marche vont donc de pair au cours d'une retraite. En général, on alterne 1 heure de posture assise, 1 heure de marche. Les débutants surtout auront beaucoup de difficultés à méditer non-stop pendant 1 heure en posture assise. Ils auront beaucoup de douleurs et mentalement, ils seront fatigués, épuisés. Il est donc nécessaire de permettre au corps et à l'esprit de se relaxer. C'est une des raisons, la première raison pour laquelle on pratique la marche. C'est pour relaxer l'esprit, le détendre et pour retrouver une bonne forme physique. La circulation sanguine va devenir meilleure grâce à la marche et l'esprit va pouvoir se détendre. Certains méditants pensent parfois que la méditation en marche est quelque chose de fastidieux. Ils n'ont pas envie de pratiquer la marche. Ils préfèrent rester dans la salle de méditation en posture assise. Mais il faut comprendre que la marche et l'assise doivent être pratiquées simultanément. La marche est très bonne pour développer la concentration et amener le confort physique. Vous allez pratiquer la marche dans le but de relaxer votre corps, vous sentir bien physiquement et pour développer votre concentration. Avant de commencer la marche, vous pouvez très bien aller au réfectoire et prendre une tasse de thé ou de café et ensuite seulement vous commencez à pratiquer. Au tout début de la session de marche, ne ralentissez pas votre allure, marchez à allure normale. Vous faites simplement une note à chaque pas. Vous notez pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit. Et vous marchez donc à allure normale. Ceci va permettre à votre circulation sanguine de redevenir bonne et vous pratiquez ainsi pendant une quinzaine de minutes. S'il fait froid, comme c'est le cas à Birmingham pour le moment, il y a moins 2 degrés, s'il fait froid, vous pouvez très bien pratiquer à l'intérieur. Il y a beaucoup d'endroits ici au centre qui sont prévus pour la marche. S'il fait bon, vous pouvez marcher à l'extérieur. Donc, vous allez pratiquer ainsi en faisant une note à chaque pas pendant une vingtaine de minutes. Après cela, vous allez ralentir un petit peu votre allure, mais pas exagérément, et vous allez faire deux notes à chaque pas. Lever, placer, lever, placer. Vous allez ainsi continuer à améliorer votre confort physique et mental. Pour les débutants qui ne connaissent pas encore la pratique de la marche, ils doivent savoir que pendant la marche, on oublie totalement la respiration, que ce soit au niveau du nez ou au niveau de l'abdomen. Il n'est pas possible d'observer à la fois la respiration et le processus de la marche. Donc, on oublie complètement la respiration et on se focalise sur la jambe et les pieds. Vous devez observer le processus de la marche. Au moment où la jambe bouge, vous devez observer ce mouvement de la jambe. Au moment où votre pied s'élève ou s'abaisse ou se place sur le sol, vous devez également observer le mouvement au niveau du pied. I think it is enough, Mother, right? For walking meditation. Okay. In a first time, we give many information, it's a much more problem. Okay, Mother, yeah? That time, accordingly, conditionally, man may give you the instruction. You may accept, you may follow respectfully. Mother Mary is experienced one, like your man. Okay, to my mother. Okay? Sadhu. Okay, thank you.